message de vie, une émission produite par Richard Federman. J'ai un message simple. Find out your nature. Trouvez votre nature. And follow that. Et suivez-la. It will never let you down. Elle ne vous laissera jamais tomber. And you will give such a gift to yourself and to the entire world. Et c'est un cadeau que vous ferez et un cadeau également que vous ferez au monde entier. Message de vie. Donnez à comprendre. Donnez à comprendre. Certains d'entre nous ont eu la chance de découvrir leur vraie nature, alors que d'autres sont toujours en quête. Je croise sur ma route des hommes et des femmes qui sont en cohérence avec leur choix de vie, alors que d'autres recherchent encore leur potentiel. Je suis étonné de voir à quel point certaines personnes ont ainsi accumulé des années de pratique professionnelle et sont restées sans expérience sur les rapports humains. À l'école, personne ne nous enseigne à devenir qui nous sommes. Les élèves ne reçoivent qu'un aperçu partiel de leur personnalité. J'ai rencontré deux hommes de nature différente et qui ont un dénominateur commun, le potentiel humain. Steven Rudolph, directeur éducatif, et Emmanuel Boulan, écrivain, ils se consacrent à une réflexion commune, l'écologie relationnelle. Participer à l'amélioration du monde en trouvant sa propre voie. Comme le disaient Nelson Mandela et Marianne Williamson, c'est notre lumière, pas notre part d'ombre, qui nous effraie le plus. Qui suis-je pour oser être brillant, talentueux, génial? Qui êtes-vous pour ne pas l'être? Hello, my friend. Tu peux traduire ça aussi en français. Bonjour, cher ami. Bonjour. Tu as développé des méthodologies éducatives et des programmes d'études, animé des stages pour les parents et les professeurs. Tu as développé la théorie des natures multiples. Quelles sont ces formes d'intelligence? So the first thing to remember is that la première chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que human beings have so many qualities. Les êtres humains ont des nombreuses qualités. I look at a specific set of qualities. Et moi, je regarde un ensemble de qualités. Those are called intelligences and natures. On les appelle les intelligences et les natures. The intelligences are things like your bodily ability. Les intelligences sont des choses comme, par exemple, votre aptitude corporelle. Your ability to work with people, your interpersonal ability. Ta capacité, ton aptitude à travailler avec des gens, donc ça s'appelle l'intelligence interpersonnelle. Logic, language. La logique, la linguistique. Visual, like drawing or coloring. L'intelligence visuelle, par exemple, dessiner ou colorier. Music. La musique. And self-reflection, intrapersonal. Et la réflexion sur soi-même, donc c'est l'intrapersonnel. And naturalistic, the ability to connect with nature. Et l'intelligence naturalistique, qui est la capacité à se connecter à la nature. So those are the basic abilities. Donc voilà les aptitudes de base. But the question is, what do you do with those abilities? Et la question c'est, ok, une fois que tu as ces aptitudes, qu'est-ce que tu en fais? And this is the most interesting part. Et voilà la partie qui est vraiment intéressante. That's your nature. So there are different ways. Alors il y a différentes manières. Just like when you go to measure the temperature. Et de la même manière qu'on va mesurer une température. One way is you can go with a thermometer. Une manière de faire, c'est avec un thermomètre. Another way is you can go out and you can feel it yourself. Une autre manière, c'est de sortir dehors et voir quelle température tu ressens. You can also look at other people to see if they're sweating or they're shivering. Tu peux regarder d'autres gens pour voir s'ils sont en train de transpirer ou au contraire de trembler de froid. So in the same way that we have a test on the internet. Donc de la même manière, nous avons développé un test en ligne. It takes about 25 minutes. Ça prend à peu près 25 minutes. And the test can tell you which et qualities le test are strong. T'indiquera quelles sont tes aptitudes les plus fortes. But through my workshops, I also teach à people how to feel. Mes ateliers, j'apprends également aux gens comment ils peuvent ressentir cela. And even sometimes people will come to me for my personal observation. Et pour avoir mon observation personnelle. And I can give my opinion. Alors dans ce cas-là, je peux donner mon avis. So we tried different donc methods to arrive at a conclusion. Différentes méthodes pour arriver à une conclusion. Mais comment tu distingues les personnes? Quels sont les points communs que tu rencontres lors de tes expériences avec ces personnes pour mettre cette méthode en place? So I started this path with myself. En fait, j'ai commencé à avancer sur ce chemin avec moi-même. About 25 years ago, ça fait à peu près 25 ans. I was trying to figure out what I should do in life. J'essayais de définir qu'est-ce que je devrais faire dans ma vie. And I thought that hey, I should be a rock star. Je souhaitais être une star du rock. Because my music is pretty good. Parce que je suis assez bon en musique. And people tended to like it, and I love doing it. Et les gens ont tendance à apprécier quand je joue, et moi personnellement, j'adore faire ça. And I was living in New York City. Et j'habitais à New York. And I had to pay my bills. Donc, il fallait bien que je paye mes factures. But aspiring rock stars don't make enough money. Le truc, c'est que les rock stars en devenir ne gagnent quand même pas beaucoup d'argent. So I got a part-time job as a teacher. Alors, j'ai pris un métier, un boulot à temps partiel just to en pay tant the que bills. Professeur, simplement pour payer mes factures. And in my first class, et lors de ma première classe, I had a very profound realization. J'ai eu une réalisation très profonde. And I heard like a voice from the sky. J'ai entendu comme une voix venant du ciel. It said that Steve, you're not a rock star, you're a teacher. Qui disait Steve, tu n'es pas une rock star, tu es un professeur. And I could feel that yes, I have j'ai an ability senti, to teach oui, people. J'ai cette aptitude à enseigner aux gens. And this is what I was meant to voilà do. Voilà ce qui m'est destiné dans la vie. So then I thought that it's very dit, strange that in school, qu'à l'école, nobody teaches us ne t'explique to find out who we are. We learn so much about the world, but not about ourselves. On apprend beaucoup de choses sur le monde, mais pas à notre propos. So I thought, okay, let me make donc, a school to help dit, people find out their nature. Je me suis dit, je vais créer une école pour aider les gens à découvrir quelle est leur nature. I went to India. Alors je suis allée en Inde. I opened up a school. J'ai ouvert une école. And the unique quality is that all the children find out their nature. Et ce qui est le point saillant, c'est que chaque enfant va découvrir sa nature. And so in that process, I developed a method to understand what the different natures are of people. J'ai développé une méthode pour que chacun puisse comprendre quelles sont les différentes natures. And then how to decide which et work to do. Du coup, comment décider quel travail est fait pour moi. And it's so bizarre because it's really c'est vraiment very bizarre easy. Parce qu'en fait, c'est assez facile. But even the best schools mais in même the world les meilleures don't écoles do this. Du monde ne font pas ça. They're all trying to make engineers and doctors. Elles essayent de créer des ingénieurs et des médecins. Yeah. Comment tu as su qu'on découvre la passion que nous avons dans notre vie? Yeah, so that was research. Voilà, c'est à travers des travaux de recherche. Hein. I read about different types of j'ai methods. Lu à propos de différentes méthodes existantes. I used some of my j'ai own utilisé thoughts. Ma propre réflexion, bien sûr. While I was in India, et I also looked en Inde, at Eastern philosophy. J'ai beaucoup considéré la philosophie orientale. What did the Vedas have to say about personality and about que disent les natures? Vedas à propos des personnalités, des natures? And I got a lot of clues et from each of these areas. J'ai eu beaucoup de clés qui me sont venues à partir de ces différents champs. And the model just et le modèle, en quelque sorte, it appeared. Est apparu. It was obvious. C'était évident, en fait. Certaines personnes se passionnent pour leur travail et d'autres non. Pourquoi? You see, when you have a natural voyez, tendency for some kind of work. Une tendance naturelle à faire un certain type de métier. And you do that work. Et vous faites ce travail, ce métier. You are in your element. You're vous in your natural dans votre élément, zone. Dans la zone de confort de votre nature. And so you get energy from alors, the work. En fait, ça vous donne de l'énergie de faire ce travail. When you do that work, the work travail, charges your battery. Rien que de réaliser ces tâches, ça charge vos énergies. But when you do work that's not Mais according to your lorsque nature, vous faites un travail qui n'est pas en concordance avec vos natures, it's like a shoe that is too tight and doesn't fit. C'est comme une chaussure qui est trop petite et qui ne vous va pas. And it's constantly rubbing. Constamment, ça vous gratte, ça vous tire. And it irritates you. C'est ça crée une irritation. And in order to get some feeling Donc, of pleasure, afin d'avoir un sentiment de plaisir, you try to take the shoe off. Tu essayes d'enlever la chaussure. You try to get out of the work. Vous essayez de quitter ce travail, ce métier. You go for a coffee. Vous allez prendre un café. You go and you smoke a cigarette. Vous allez fumer une cigarette. You go for a drink. Boire un verre. Or shopping. Ou faire du shopping. Eat some chocolate. Manger du chocolat. But if there's work that you love, mais si c'est un travail que vous aimez, you don't think that okay, first let me have a cigarette and a coffee. Vous ne dites pas, bon, attends, je vais déjà prendre un café, une cigarette, et après je verrai. You jump into the work because the work gives you the pleasure. Vous sautez à pieds joints dans le travail parce que c'est là où est votre plaisir. It's a very simple proposition. En fait, c'est une proposition très simple. Mais pourquoi on a les pieds serrés dans les chaussures et qu'on n'ose pas enlever ses chaussures justement? Because sometimes the shoe looks really souvent, nice. La chaussure est très jolie. It's a you know very fancy brand. C'est une marque de luxe. It's very, very costly. Ça coûte cher. And people say, "Wow, what a beautiful pair of shoes!" Et les gens have. Te disent, "Wow, t'as des chaussures magnifiques." And you feel so happy when they say that. But et tu te sens fier quand ils disent ça. Thinking, mais dans ton esprit, I can't tu wait te dis, to take them off. Mais en fait, j'attends qu'une chose, c'est de les enlever. Some people work for very good companies. Il y a des gens qui travaillent pour d'excellentes entreprises. They get a good salary. Et ils gagnent beaucoup d'argent. And it looks good from the outside. Et d'un point de vue extérieur, ça a l'air super. So they're afraid to leave. Alors évidemment, that ils ont peur de quitter cette sécurité et le statut qui va avec. Sometimes some people, parfois, certaines personnes they don't know what else they should do. Ne savent pas ce qu'ils devraient faire à la place. They believe that ils croient their unhappiness que is due leur to malheur bad luck. Est lié au fait de ne pas avoir de chance. They just think that they're unlucky in life, ils pensent qu'ils sont malchanceux dans la vie. They are unhappy souls. Donc ils se disent « Oh, bah, je suis une âme malheureuse ». Some people also know that they should change. Certaines personnes savent qu'ils devraient changer. But they lack the tools. Mais ils n'ont pas les outils. Or the knowledge about how to make the change. La connaissance pour savoir comment faire ce changement. Sometimes parfois, they make, par exemple, they make the change. Ils font ce changement effectivement. And the next job is even worse than the first fait, job. Le métier suivant et ça se passe de manière encore pire que le précédent. So, alors, these are why some of voilà people have trouble making changes. Pourquoi les gens ont des difficultés à faire ces changements. If they have the right information, s'ils ont la bonne information, it's very easy. C'est facile en fait. So, instead of talking about fear, alors, au lieu de parler de peur, let's talk about stress. Parlons de stress. There's two kinds of stress. Alors, il y a deux sortes de stress. There's good stress and bad stress. Il y a le bon stress et le mauvais stress. So you also said that sometimes stress exemple, is a good thing. Tu as mentionné que le stress est parfois une bonne chose. For example, in my case, bon, dans mon cas, sometimes somebody will say, let's parfois make, quelqu'un va me dire, let's make a new program et on va faire un nouveau programme, on va enseigner une nouvelle chose. So some little stress comes et at that time. Il y a un petit stress qui est généré à ce moment-là. But because it's in my parce area que of c'est work, dans mon champ de travail, I take that stress and stress I come forward and I create that program. J'avance avec et je crée ce programme. In music, sometimes exemple, musique, someone will say quelqu'un va me dire, after 20 minutes, we have to perform minutes, some quick song. Can you write something? Il faudrait qu'on fasse une petite chanson. Est-ce que tu peux vite écrire quelque it's chose? A lot of stress. Alors là, il y a beaucoup de stress, mais je le fais. Yeah. On the other hand, alors, if you get some kind of a challenge, par exemple, si un défi est face à toi, that is not according to your nature, qui n'est pas en concordance avec ta nature profonde, then the bad stress starts to alors come. Là, c'est le mauvais stress. And that is a fear. There's c'est a deep fear peur profonde, of death. En fait, une peur de la mort. It might not be actual death, but you feel the same kind of fear. Peut-être pas la mort physique, mais c'est le même type de peur, en fait. And when that happens, the et chemicals are released, arrive, like cortisol and adrenaline in your body. Les éléments qui sont relâchés dans ton corps, c'est la cortisol. And they make you unable to act. Et en fait, ils vous empêchent d'agir. And they destroy your immunity also. Et également, ça détruit votre système immunitaire. And you become sick as a result. Donc on en vient à tomber malade. So the point is that ce que je veux dire, c'est que you need to, identify il est nécessaire d'identifier un chemin dans la vie that will keep you balanced. Qui va vous maintenir à l'équilibre so the stress that you get afin is que more le, stress, according to your natural ability. Le stress que vous allez recevoir en fait, soit en concordance avec vos champs d'aptitude. Stress and challenge will always be there. Parce que de toute façon, le stress et les défis seront toujours là. But you need to try to keep mais essayez it in de this domain. Faire en sorte que ça soit dans un domaine où vous êtes bon. because the more that it's stress that you can't handle, dans un domaine, c'est un stress qui vous, auquel vous ne pouvez pas faire face. It will destroy your health. Ça va détruire votre santé, your relationships, vos relations avec les autres, and so on. Et ainsi de suite. Message de vie doux et tranquille. Thank you. Message de vie, entendre un monde qui nous entoure. J'ai remarqué que tu avais inventé un terme, enfin inventé, je ne sais pas si je l'ai inventé, mais en tout cas c'était très intéressant parce qu'en France, on pose la question « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Tu t'identifies à ton travail et sinon tu as, voilà, tu as l'opposé aussi, c'est le hobby, c'est-à-dire que tu as une activité non rémunératrice, donc le hobby et le job. Un hobby peut devenir un métier. Yes. Et un job peut devenir un hobby. We have lots of abilities. Nous avons de nombreuses aptitudes. And so sometimes we can use those abilities in our work. Alors parfois on peut utiliser ces aptitudes dans notre travail. In our main work, let's dans notre travail principal, disons. But there are sometimes we have abilities that Mais parfois nous avons des engage. Aptitudes qui ne sont pas nécessaires dans un travail. So in the world today, et dans notre monde d'aujourd'hui, there are a lot more opportunities il y a for, de très nombreuses opportunités work. De travailler, en fait. Sometimes, temporary work Par or, exemple, un travail temporaire, freelancing kind of work. Être freelance. And given this situation, et étant donné la situation, people can create their own working, les gens context, peuvent créer their own situation. Leur propre contexte professionnel. It's no longer a situation that you only have to have one job that you on earn n'est plus from. Dans une situation où tu ne peux avoir qu'un seul métier qui te rapporte de l'argent. For instance, I have Donc, a friend, prenons un exemple, j'ai un ami who works in real estate, il travaille dans l'immobilier but she's a fantastic writer. Mais c'est une auteure fantastique. So she writes, as a freelancer, en she fait, writes en articles tant que freelance, on, elle rédige des articles au sujet de l'environnement and she gets paid for that. Et elle reçoit un petit montant financier pour cela. It's not a lot of money, but it's c'est a support pas to beaucoup, her income. Mais c'est un plus dans ses revenus. I have another friend who does, un autre de mes amis banking work. Travaille dans une banque. He earns, a good living. Alors, il gagne bien sa vie. But he's very good Mais with woodworking. Il est vraiment bon au niveau du travail du bois. And he makes furniture. Alors, il construit des meubles. And he started making it and his friends started saying, that, can you make one for me? Il a commencé à faire des meubles pour lui-même et ses amis lui ont dit ah mais est-ce que tu peux m'en faire un? And after a while he thought okay let me make them and he started moment, to sell dit, them. Ah ouais ok donc et il a commencé à les vendre. It doesn't compare to his banking Alors, salary. Évidemment ça ne vient pas à la hauteur du travail de ce qu'il gagne dans la banque. But it's more than a hobby. Mais c'est plus qu'un hobby. Toi, de ton regard d'outre-Atlantique, comment tu vois la France avec toutes ses possibilités? Now I'm going to tell you something incredible. Alors là, je vais vous parler de quelque chose d'incroyable. The thing that has amazed me about quelque France. Chose qui m'a vraiment, vraiment étonné à propos de la France. There's no doubt that America in the world is, I believe, the most adaptive country Alors, c'est and sûr, innovative. Je pense vraiment que dans ce monde, l'Amérique est un pays qui s'adapte vraiment beaucoup et où il y a une très forte innovation. It's largely because people came from so many countries and they c'est left their countries behind. C'est dû notamment au fait que tant de gens sont venus de tant de pays différents et ils ont laissé leur pays derrière eux. Il y a 250 ans, par exemple. And there was no past, so our culture became a history of the culture of the future. Alors en fait, il n'y a pas de passé dans notre pays, donc notre culture, c'est une culture du futur. And your value was not et your name or who your father tes valeurs, was. C'était pas ton nom, qui était ton père ou combien de terres tu possédais. Ta valeur était créée par ce que toi, tu étais en mesure de faire, là, maintenant. And so this is the reason why there's a lot of collaboration voilà pourquoi il y a beaucoup de collaboration, d'adaptabilité au sein de la culture américaine. But we went a little too far in that Mais direction. On est peut-être allé un petit peu trop loin sur cette échelle. And there's not really a lot of, social support. Il n'y a pas vraiment de soutien au niveau social. We are paying the price for it now. En fait, nous payons le prix de cela maintenant. There is no healthcare given by the government. Voilà, il n'y a pas de système de soins, par exemple. And it is unaffordable. Voilà, il n'y a pas de sécurité sociale. Et si on veut la prendre dans le privé, c'est tellement cher que c'est très difficile de se la payer. Social security is very limited. Donc voilà, le système de sécurité sociale est extrêmement limité. You get fired without severance. Lorsque tu te fais licencier, tu ne touches rien. So, although people are really adaptive, donc, même si les gens sont très adaptables, they don't have the social support to enable them, ils n'ont to pas very freely, cette espèce de parachute develop. Social pour se développer librement comme ils le voudraient. In France, Alors, it's a very unique situation. C'est une situation vraiment exceptionnelle. There is so much social support here. Il y a tant de soutien de la part du gouvernement. Healthcare is taken care of. par exemple, tout ce qui est sécurité sociale, bon bah c'est géré. L'éducation, c'est gratuit. If you want to leave your job, si tu veux quitter ton travail, you can get severance for 2 years. Tu peux négocier une rupture conventionnelle et avoir 2 ans de chômage. If you want to start a new venture, si a new company, tu veux lancer une nouvelle entreprise, the government will give you 50% of your, le gouvernement te verse 50% de tes allocations chômage tout de suite. And even if that venture doesn't succeed, you'll get the other 50% as well. Et même si l'entreprise que tu as lancée ne fonctionne pas, de toute façon, ils te verseront les deuxièmes 50%. This is unimaginable. C'est inimaginable. The only constraint. En fait, la seule contrainte. Is people's thinking. C'est vraiment dans l'esprit des gens. That okay, I could do it. I could make a change. Ils se disent oui, voilà, il faut vraiment qu'ils arrivent à se dire bah oui, je peux le faire. C'est dans la tête que ça se passe. So I actually think it's easier. Alors en fait, je pense que c'est plus facile. To change a way of thinking. De changer une manière de penser. Than to change a system. Que de changer un système. France is ahead of America right now. Alors on va dire que la France est devant les États-Unis en ce moment. Pourquoi tu t'es décidé à faire cet atelier avec Steven? Alors, en fait, si j'ai décidé, enfin proposé à Steven que l'on crée ensemble effectivement cet atelier, c'est parce que pour moi, le sujet d'être heureux au sein de son travail, de trouver du sens dans son travail, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que personnellement, j'ai toujours essayé de vivre ma vie selon ces valeurs-là, c'est-à-dire les nombreuses heures, les meilleures heures de la journée, je les passe à mon travail. Et parfois, bah, c'est au détriment de ma famille. Alors, si ce n'est pas pour faire quelque chose que j'aime ou qui est important pour moi ou ma conception du monde, c'est vraiment un gâchis incroyable. Donc, vraiment, je trouve que beaucoup de gens, c'est un peu ce qu'a partagé Steven, ont des barrières dans leur tête alors qu'ils pourraient tout à fait au moins tenter. Tenter de voir si c'est possible de vivre leur rêve professionnel. Parce qu'au fond de beaucoup de gens ont un rêve, et il faut arriver à le retrouver. Voilà. On a travaillé cette semaine sur les rêves d'enfants, les rêves que tu avais quand tu étais petit, et c'est rare que les gens rêvent de ce qu'ils font aujourd'hui, finalement. Voilà, j'ai constaté, je pense que tout le monde pourra faire ce constat, que finalement, c'est presque l'exception, les gens qui sont épanouis au sein de leur travail. C'est quand même dramatique pour un pays qui fait partie des 10 premières économies du monde, un pays où, mine de rien, quand même, effectivement, quand un Américain le voit, il dit « mais vous avez tout ici », que les gens soient à ce point sclérosés dans leur univers professionnel. Voilà, donc si grâce à ce type d'atelier, certains peuvent se dire « allez, je tente », je trouve ça magique, et c'est peut-être ce qui me manque un peu à la France. Toute proportion gardée, que les gens retrouvent le goût de rêver. Oui, tu as voyagé, tu es française, mais tu as beaucoup voyagé, ce qui t'a permis de voir le monde. C'est important de sortir de son cadre. Une réflexion, enfin, j'ai eu la chance, l'opportunité de vivre quand j'étais petite en Asie, puisque j'ai un papa chinois. Et également, j'étais scolarisée dans une école américaine. Et en fait, après, j'étais attirée par l'humanitaire un temps, donc je suis allée dans des pays que l'on dit en développement. Et en rentrant de là, ce que je me suis dit, surtout que comme j'avais fait HEC, c'est quand même une carte de visite, une belle carte de visite, je me suis dit, mais si moi, qui vit dans ce pays, qui est accès à la connaissance, à la culture, au soutien d'un gouvernement, et qui est cette carte de visite professionnelle, si moi je me lance pas, mais qui peut le faire à l'échelle du monde? Je veux dire, c'est clair que c'est beaucoup plus dur pour les personnes dont la préoccupation est simplement de pouvoir trouver de quoi nourrir leurs enfants le lendemain, de faire un métier qui leur plaît vraiment. Et si même nous, on ne le fait pas, enfin, c'est dramatique. Steven, tu veux rajouter quelque chose qui te semble essentiel à ce moment présent? I think everybody has a quality. Je pense que tout le monde a une qualité. At least one quality. Au moins une qualité. And most people have a few incredible qualities. Et la plupart des gens ont quelques qualités incroyables. The pleasure of life comes when le plaisir you dans engage la vie these qualities. Vient lorsque tu mets en marche ces qualités. In a way that is beneficial d'une manière qui est bénéfique pour toi-même and is beneficial to the world. Et qui est bénéfique également pour notre monde. When we work according to our qualities, lorsque l'on travaille en fonction de nos qualités, everything comes to us. Tout nous arrive naturally. De manière naturelle. It's like a natural magnet. C'est comme si on se transformait en un aimant. People, love, money, everything will come. Les relations, l'amour, l'argent, en fait, status. Tout vient à toi, même le statut social. But when we are not in touch with those qualities, mais lorsqu'on perd le contact avec ces qualités profondes, we endeavor so hard to get those things. On se bat si durement pour obtenir ces choses. And quite often we wind up, unhappy. Et en fait, le résultat, c'est qu'on est malheureux. Just one simple message. I have one voilà, simple message. C'est, j'ai un message simple. Find out your nature. Trouvez votre nature. And follow that. Et suivez-la. It will never let you down. Elle ne vous laissera jamais tomber. And you will give such a gift to yourself and to the entire world. Et c'est un cadeau que vous vous ferez et un cadeau également que vous ferez au monde entier. Message de vie. Entendre un monde qui nous entoure. Message de vie, entendre un monde qui nous entoure. Emmanuel Boulan, tu as écrit un livre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'éditeur. Déjà, donc c'est Emmanuel Boulan, aux éditions Emmanuel Boulan. C'est ça, hein ? C'est ça, exactement. Et le titre, c'est « D'homme ni mal à l'homme ». C'est le rapport entre l'homme et l'animal. C'est plus que le rapport, c'est la contraction du mot homme et animal pour souligner la conscience animale dans laquelle nous sommes actuellement. D'homme animal à l'homme, ou comment participer à l'amélioration du monde par son propre comportement. Je suppose que tu as écrit ce livre pour sortir du monde animal et de découvrir l'espèce humaine. C'est plus profond que ça. C'est-à-dire que j'ai commencé à beaucoup m'interroger, beaucoup questionner, beaucoup observer, et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire mieux. On pouvait effectivement améliorer le monde. C'est une grande question que tout le monde se pose actuellement. Avec l'écologie, la crise économique, on cherche tous à vouloir améliorer le monde, à vouloir faire quelque chose. Sauf que le problème, c'est qu'on attend que la réponse vienne de quelqu'un d'autre, que ce soit d'un dirigeant, d'un système, d'un gouvernement, n'importe. Et je me suis dit, c'est pas possible. Qu'on doit juste faire des va-et-vient pas possible pour qu'une personnalité, une personne qui a un statut social importante veuille bien le faire pour nous. Et je me suis dit, attendez, on est au 21e siècle, et si on n'est pas capable de se prendre en main, je pense qu'on peut aller que droit dans le mur. Et à partir de là, j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, comment finalement on peut se prendre en main? Et la seule chose qui nous appartient dans ce monde, c'est notre propre comportement, c'est notre corps et notre âme. Tout le reste n'est qu'éphémère finalement. Et à partir de là, j'ai commencé à poser un premier mot qui était omnimal. C'est-à-dire que je refuse l'idée qu'on nous dise que nous sommes des animaux et que l'homme, en tant que tel, on est supérieur à l'animal parce qu'on est intelligent et on a 2 pouces. Je ne le conçois pas. Je conçois par contre l'idée selon laquelle, effectivement, ayant une intelligence, on va dire, supérieure, on peut aider. Mais le problème, c'est que notre conscience est limitée. Notre conscience est omnimale. On est des hommes qui ont une conscience animale et on se comporte comme des animaux. Parce qu'on suit quoi? On suit nos pulsions, on est toujours dans la peur, dans le désir, et on est complètement bloqué. Alors que si on arrive à changer ça, si on commence à éveiller notre conscience et être des hommes qui se prennent en main, et bien à partir de là, on redevient des responsables et on peut participer nous-mêmes à améliorer le monde. Alors comment tu considères l'animal? Comme inférieur ou comme notre égal? Comme un égal. Je considère qu'il y a 4 règnes. Okay, le règne minéral, qui est physique. Il y a le règne végétal, qui est physique et émotionnel. Il y a le règne animal, qui est physique, émotionnel, mental. Et ensuite, il y a le règne de l'homme, qui est physique, émotionnel, mental et spirituel. L'un n'est pas plus important que l'autre. On est des règnes, on est ensemble, et c'est ensemble qu'on fonctionne. On a besoin du minéral, comme on a besoin du végétal, on a besoin de l'animal, et eux aussi ont besoin de chacun. Il faut sortir de l'idée de pensée pyramidale, où il y a forcément quelqu'un qui est supérieur à l'autre. Ça, c'est le concept de la domination. Et toute la pensée, toute cette philosophie, tout ce livre explique la nécessité de casser cet esprit de domination, parce que c'est à cause de ça qu'on est dans ces systèmes de violence, qu'on est dans des pulsions, qu'on est toujours dans la violence, dans la guerre, quel que soit le problème, l'origine, c'est parce qu'on souhaite dominer la situation, la personne, nous-mêmes, ou un être vivant, qu'il soit végétal ou animal. Donc ce qui nous différencie, l'aspect spirituel que nous avons en plus par rapport aux animaux? Ouais, je pense. Qu'est-ce que c'est la spiritualité pour toi? La spiritualité pour moi, c'est justement le fait de sortir de son conditionnement, quel qu'il soit, de s'ouvrir à toutes les possibilités, d'observer, de réfléchir, de se remettre en question et de s'améliorer soi-même et d'améliorer le monde. La spiritualité, c'est l'ouverture. S'il n'y a plus d'intermédiaire, on est responsable, on devient acteur. On est en lien direct justement avec le métaphysique et on prend en considération notre propre pouvoir de création pour avancer. Mais est-ce que le désir n'est pas le moteur de la vie? C'est pas le désir qui fait avancer les choses, c'est l'amour. Et l'amour avec un grand A. Je parle de l'amour de l'esprit, pas l'amour du corps ni de l'âme. C'est ça qui fait avancer les choses. Il ne faut pas confondre désir et amour, c'est pas la même chose. Mais l'amour, c'est la capacité d'être dans l'harmonie, la plénitude. On ne domine plus personne. Nous sommes tous pareils, nous sommes tous des êtres vivants. Et quand je dis amour avec un grand A, j'inclus tous les êtres vivants, qu'ils soient végétal ou animal ou minéral. C'est ça l'amour. Et c'est la notion. C'est l'amour qui, je le répète, c'est l'amour de l'esprit. C'est pas l'amour physique du corps ni de l'âme. Je ne sais pas si c'est clair. Je peux définir l'amour avec un grand A. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas définir quelque chose qui transcende tout. C'est difficile, c'est ça, tu vois. L'esprit de domination, il est tellement profond en chacun de nous qu'il est difficile pour nous de mettre au même niveau toute chose. L'amour avec un grand A, c'est juste améliorer le monde. C'est juste ça, le grand A. On est là pour ça. C'est bonne nouvelle. Message de vie, donné à comprendre. Message de vie doux et tranquille. C'est ça qui est dommage, que l'amour avec un grand A, il existe, mais partout. Et le système ne nous en parle pas. C'est de temps en temps, ben voilà, pour faire simple, je pense que c'est la vraie notion du libre arbitre, c'est que tu as trois choix. D'accord ? Soit tu maintiens l'état actuel du monde, c'est le choix du corps. Tu réponds à tout ce que tu as envie, toutes tes pulsions, tes besoins, tu le fais. Soit tu fais le choix d'être neutre. C'est le choix de l'âme, c'est-à-dire que tu fais le choix de faire au mieux avec ce que tu as. C'est la plupart des gens font ça. C'est l'idée un peu religieuse. Tu fais au mieux avec ce que tu as. Et sinon, le troisième choix, c'est le choix de l'esprit. Et tu fais quoi ? Tu es volontaire pour améliorer le monde. Le choix, il t'appartient. Mais il faut le faire en conscience. Si tu me dis non, moi, je fais le choix, c'est de maintenir l'état actuel du monde. J'ai juste envie de bien m'amuser parce que la vie et la terre, c'est quand même bien cool. C'est ton choix, c'est super. Mais par contre, ne viens pas m'essayer de me dire que l'amour avec un grand A, c'est pas possible parce que t'as peur de l'avenir et t'es dans le désir justement de répondre à tous tes besoins actuels. Choix du corps, qui est le maintenir l'état actuel du monde. Numéro 2, c'est le choix de l'âme. T'es neutre. Tu souhaites faire au mieux avec ce que tu as. Et le choix 3, c'est le choix de l'esprit. T'es volontaire pour améliorer le monde. Message de vie, une émission produite par Richard Federman. Deux invités dans Message de vie, MES plus loin stage, Stéphane Rudolph qui a écrit un livre aux éditions à ciel ouvert, Les natures multiples. La traduction simultanée a été assurée dans cette émission par Rachel Liu de l'association Terre du Ciel. Emmanuel Boulan, notre second invité, a écrit son premier livre de philosophie d'homme, animal à l'homme. Tous les deux ont un site, emmanuelboulan.com et stéphanerudolph.com. Salut à tous, chercheuses ou chercheurs, ou si vous préférez, aventuriers ou aventurières de l'esprit. Ciao.